Et est-ce qu'on racontait des histoires par rapport à Gargantua? Est-ce que ça... Très peu. Mon grand-père, mon beau-père, pour faire, il avait une mémoire, cet homme. Il nous racontait un genre de poésie. Mais ça, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai jamais. Il en disait un morceau puis s'arrêtait. Mais alors, c'était joli quand même. Mais je ne sais pas où on trouverait maintenant ça. C'était Gargantua qui parcourait la Lozère et surtout le canton de Florac. Alors, d'un pas, il avait fait un grand pas, il avait fait l'impézu. Mais là, je ne peux pas le raconter bien. Il avait secoué un peu ses chaussures et l'impézu, c'est une petite montagne. Puis de l'autre pas, en tournant de l'autre côté, il avait fait encore un pas, il avait passé du côté de Saint-Laurent-de-Trèves le Serre de la Boutine. Il avait secoué ses chaussures, ça avait fait là encore une autre petite montagne. Mais il racontait, mais avant de le raconter, c'était toute une fable, vous savez. Mais ça rimait quand même. Mais ça, par exemple, je ne peux pas. C'était mon beau-père, je ne sais pas, autrement je lui aurais demandé à l'époque j'étais capable de le faire pour l'écrire, vous voyez. Mais c'était joli ça, si je ne sais pas, peut-être quelques vieux Floracois le sauraient ça. Il était d'où votre beau-père De natif de Florac. et votre mari ne saurait pas cette histoire de Non, oui. il a entendu raconter, mais comme lui ça le touche plus ou moins, il n'en a pas certainement. Fais attention, mais mon beau-père, c'était bon, ben, c'était un homme, c'était un maquignon, tout ce que vous voulez, mais puis dans le fond, il avait une forte mémoire, et puis il avait eu quand même, il était allé à l'école beaucoup plus que mon mari. Mais je vous assure qu'à 80 ans, vous pouviez lui demander le nom de tous les départements qui bordaient je l'avais fait, moi, quand les enfants allaient à l'école, avec géographie en main, les départements qui bordaient le tour de la France, leur chef-lieu. Leur sous-préfecture, eh bien, vous pourriez dire ils ne se trompaient pas d'un. C'est des mémoires énormes, ça. Oui, ça, j'avais été en admiration devant lui à cause de ça. Mais là, cette histoire, c'était longue, ça n'en finissait pas. C'était un patois, c'était. En patois. Oui. Il le disait ou le chantait? Non, c'est un genre de complainte, de poésie, si vous voulez Ça dire. rimait, vous voulez dire? Ça rimait, ça rimait. L'impézu, c'est où ça, l'impézu? L'impézu, c'est. Voyons, comment je vous explique. Vous savez qu'il y a Rochefort d'un côté. Ah oui, il avait mis un pied sur Rochefort, l'autre sur l'impézu. Ça faisait juste l'enjambée. Un du côté de la Bottine et puis l'autre du côté de la vase. Comment ça s'appelle? Au fond de la vallée, là. Graillon, je sais qu'il y a un village qui s'appelle. Je ne sais pas comment s'appelle la montagne. Vous voyez? Mais l'impézu, c'est au fait la montagne qui est au-dessus de l'hôpital, là, vous savez où se situe l'hôpital? C'est sur le... Oui, sur le Mont Lozère, là-haut. Non, non, non, en face de Forc. Ah oui, d'accord, Oui, oui. l'impézu, c'est toute cette montagne qui fait face à Rochefort. Rochefort, c'est ce qui est à bord de le Causse, quoi, de l'autre côté, au-dessus de la route qui monte à Vars, si vous voulez dire. Donc il avait, si vous pouvez m'en dire des morceaux, même si c'est pas le dire en patois, Mais c'est ce que... Donc Rochefort et l'Empezou, c'est ça? oui, Et après vous disiez d'une donc... part faguette, d'une pesada, faguette l'impezu et faguette Rochefort. C'est ce qu'il disait. C'est quoi ça, ça se calfure. Mais puis je sais plus, mais j'étais bête, oh, peut-être il y a une vingtaine d'années, je m'en serais rappelé davantage certaines autres choses. Mais là, ça m'a vraiment échappé. Quand on ne pense pas à quelque chose souvent, ça Oui. échappe après. Ça m'intéresserait beaucoup. Et des frères, il a des frères et sœurs, votre mari? Mon mari, oui, non, mais je pense, oui, nos sœurs et ses frères aussi, mais ça ne les intéressait pas. Moi, ça m'intéressait parce que je trouvais joli. Oui. Et je vous dis, je regrette, j'aurais pu à l'époque, il me l'aurait. Il savait ça, recta. Et ça continue plus bas après, vers la vallée française, ça descendait, vous savez pas. Je sais plus. Honnêtement, vous voyez, c'est un brouillard pour moi, là, ce truc-là. Pourtant, mon mari, hein, c'est bien des vieux trucs comme ça, mais je ne pense pas qu'il se soit attaché à celle-là. Au fait, je le lui demanderai, mais je ne pense pas. Parce qu'il suivait beaucoup son papa et des vieilles chansons en patois ou de vieilles chansons. Mmh. Il en savait pas mal, quoi. Mmh. Il en connaît, votre mari, des chansons en patois? Maintenant, peut-être que sa mémoire s'est affaiblie, je ne sais pas, mais oui. Mmh. On lui demandera, si. Et je voulais vous demander autre chose aussi. Est-ce qu'il y avait, un peu comme les fées et tout ça, Draquet, quelque chose qu'on appelle le fantastique? Ah non, ça, je ne l'ai pas connu. Ou alors une autre chose qu'on appelait la Baragogne. Ah non, donc non. C'est pas de... C'est pas d'ici, alors. C'est pas d'ici, ça, non. C'est dans notre coin, peut-être. Oui, sans doute, mais vous savez, il s'agit de peu pour que ça change.